Toujours à l'occasion du 15 avril, le Présidium de l'Assemblée populaire suprême de la République populaire démocratique de Corée a rendu public le 6 courant son décret numéro 1654 sur la remise de l'ordre Kim Il-sung à Kim Yong-nam, Lee Su-won et Kim Gwang qui ont contribué à faire honneur aux exploits de direction du Parti du Travail de Corée et à édifier une puissance socialiste.